la poussière du matin, j'ouvre mon étale. Le bois gémit, la rue sent le métal. Chaque pierre sonne comme un glace. Le soleil fend la brume sans détour. Mon harmonica pleure le retour. Un sac de farine, un couteau fêlé, des clous rouillés pour des toits brisés. Je n'entendrai sur le vieux comptoir que l'ouest vend l'ombre et la mémoire. Au bout du gant, ma voix rappe le soir. La monica répond pur et noir. Une femme demande un savon d'azur pour laver l'odeur de ses blessures. Dans la main, j'évite ses yeux. Le désert prend tout, même ce qui est pieux. Je pèse la honte et le parfum. Mon souffle râpe comme du pain. Ride with the dust through the silent dawn. Rider skill stands where the faith is won. Horn echoes, cries, the market sways. Frontier souls will find their ways. Un cavalier pose un vieux revolver. Je lis dans l'acier des années amères. Il paye en pièces un regard lourd. Je rends la poudre et rends le jour. La loi se vend comme un secret. Le vent l'emporte, rien n'est discret. Le prix comme on plie le temps. Son rire craque, fragile et tremblant. Je cache un sourire sous mon feutre. La monica grave un vœu pour d'autres. Ride with the dust through the silent dawn. Rider skill stands where the faith is won. Honey that cries, the market sways. Frontier souls will find their ways. Un vieil homme tend un collier brisé. Un fil, trois perles, un nom usé. Il cherche un prix pour sa mémoire. Le désert y avale l'histoire. Je baisse le ton, j'ajuste le poids. mon époque pris à mi-voix. La nuit s'avance bleue et brûlante. Mon étal tient la ville haletante. Les bouteilles chantent des refrains froids. La farine vole poudre et loi. Je scelle un pacte avec la faim. Mon souffle râpe comme du pain. Une danseuse vend un foulard pour un parfum, pour un regard. Je pèse l'absence et les regrets. La route tremble sous ses regrets. Je rends la soie, je garde un vœu. L'harmonica s'élève en feu. Ride with the dust through the silent dawn. Rider still stands where the faith is won. Horn and the cry. Frontier souls will find their way. Après Shepard's Bible au soleil, les dix que l'Ouest veut nos oreilles.